Bernard Banhukira. Côté technique, c'est Aimé Toussaint Mitevouti qui a sur la mise en onde. Bienvenue dans cette édition de la soirée. D'abord, les principaux titres. La coalition des associations des ex-combattants pour le maintien de la paix et le développement KSCPD en sigle interpelle les ex-combattants et les militaires. Les membres disaient d'être des instruments de la paix. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, la coalition KSCPD indique que la violence n'a pas de place au Burundi. Carence de carburant, Bujumbura et ailleurs. Le propriétaire des véhicules privés et transporteurs demande au gouvernement de trouver dans les meilleurs délais la solution à ce problème. À Bujumbura, sur plus de 10 stations d'essence visitées ce vendredi, seules deux étaient en train de servir ce carburant. Et à Gitega, depuis mardi de cette semaine, au parc pétrolier de cette province, le carburant n'est plus distribué. Le ministère en charge de la gestion du carburant n'a pas encore pris des mesures qui s'imposent, mais il indique que la question est en cours de traitement. Le match de football entre les sélections burundaises et sénégalaises, prévu le 4 juin de l'année en cours, cause polémique entre les fédérations de football de ces deux nations. La fédération de football du Burundi prévoit que ce match se déroulera au stade Ivyizigiro de Rumonge, mais la fédération sénégalaise de football s'y oppose. Certains parmi les commerçants exploitant les boisements en commune province Bururi grognent que l'administration communale provinciale leur refuse le permis d'exploitation. Ils disent être victimes d'une mésentente entre les administrations et l'inspection provinciale des forêts. Et voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'association PARSEM et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, rendent hommage à feu Jean-Baptiste Bagaza, décédé ce mercredi. Dans leur déclaration sortie ce vendredi, ces deux organisations disent que le Burundi vient de perdre un fils qui avait jeté les bases de modernisation du Burundi, surtout dans le secteur socio-économique. Pour la PARSEM et le CNDD-FDD, l'héritage de son action pourra servir d'exemple aux générations actuelles et futures. Un homme de 25 ans de la colline Moya de la commune Buhiga en province de Karuzi a été tué la nuit de ce jeudi au sein de la police à Buhiga. L'on indique que c'est l'un de ses compagnons qui l'a frappé à coups de bâton dans un débit de boisson appelé chez Kayovera Evariste au marché de cette commune où se vendent des boissons prohibées selon les autorités communales. Et la coalition des associations des ex-combattants pour le maintien de la paix et développement KSCPD en sigle interpelle les ex-combattants et les militaires démobilisés d'être des instruments de la paix. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, la coalition KSCPD indique que la violence n'a pas de place au Burundi. Elle recommande au gouvernement de faire des enquêtes sur tous les assassinats depuis avant 1972 jusqu'à nos jours. Et quant aux ex-combattants, ils doivent consolider la paix. Pascal Ngenakoumana est le porte-parole de la KSCPD. Que c'est déjà plus tard dans notre pays, parce que le Burundi est déjà entré dans un processus donc de paix et la réconciliation, c'est-à-dire que tels actes n'ont pas de valeur, n'ont pas donc de place dans notre pays. Le pouvoir dictatorial n'a pas de place au Burundi et n'aura pas de place jusqu'à jamais. La coalition des ex-combattants pour la paix et le développement recommande au gouvernement de continuer à sauvegarder la paix et la sécurité pour tous, de continuer à vulgariser des messages de pacification pour que même ceux qui se sont réfugiés puissent regagner le bercail, de faciliter des enquêtes sur les assassinats perpétueurs d'avant 1972. Pendant 1972, à nos jours, et de les traduire en justice. Aux ex-combattants, comme d'autres citoyens, de consolider la paix et la sécurité en dénonçant tout malfaiteur qui s'assoit dans l'intérêt supérieur de la vie nationale. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les propriétaires de véhicules privés et transporteurs demandent au gouvernement de trouver dans les meilleurs délais la solution aux problèmes liés à la pénurie d'essence. Sur plus de 10 stations d'essence visitées à la mairie de Bujumbura ce vendredi, seules deux étaient en train de servir ce carburant. Là aussi, de longues files d'attente. Reportage d'Aubin Niyonguru. Je suis ici à partir de 4 heures du matin. Mais ce n'est pas à dire que je suis le premier. Certains y ont garé leur voiture depuis hier soir. D'autres se sont rendus aux deux stations d'essence qui servent ce carburant dans la petite matinée de ce vendredi. Il s'agit de celle de King Star de Bwiza et Top One de Kigobe. Celui-ci est l'un de ces derniers. Nous n'avons pas le temps de travailler. Je me suis réveillé à 4 heures et je suis toujours ici. Même si je serais servi, je n'aurais pas de versement. Nous sommes servis le carburant juste d'une journée. Vu que le ministère de l'Énergie et des Mines affirme qu'il n'y a pas de pénurie de ce carburant et propriétaire des véhicules, demande que ces propos corroborent avec la réalité sur terrain. Nous demandons au gouvernement de régler ce problème. Il faut que leurs propos soient conformes à ce que nous vivons sur terrain. Cette problématique reste d'actualité. Sur 14 stations d'essence où nous avons pu passer, la plupart d'elles ne servaient que le gazoil. Toujours ce chapitre de carence de carburant depuis mardi de cette semaine, au parc pétrolier de Gitega, le carburant n'est plus distribué. Les travailleurs à ce parc refusent de commenter sur cette situation et font référence à la Direction générale du commerce. La situation est telle au moment où jusqu'à 11h de ce vendredi, il y avait 12 camions qui attendaient d'être servis. Certains d'entre eux viennent d'y passer 3 jours et d'autres une semaine. Reportage d'Arthur Kavabouchi. Comme les chauffeurs de ces camions le disent, ils sont étonnés par le fait que ceux qui travaillent à ce parc pétrolier ne veulent pas leur répondre quand ils leur demandent pourquoi ils ne sont pas approvisionnés alors que le carburant est plein dans les tanks. Ils disent également que depuis qu'ils sont arrivés là-bas, aucun jour ne se passe sans qu'aucun camion venu de l'extérieur du pays n'apporte pas ce carburant. Même aujourd'hui, les camions faisaient la queue là-bas. Les chauffeurs indiquent que même ce qu'on leur exige pour être approvisionnés, à savoir le bon de commande qui est payé à Bujumbura, ils les ont sur eux. Ils demandent qu'ils soient approvisionnés du fait que s'ils passent toutes ces journées longtemps à cet endroit sans rien faire, c'est une perte énorme pour eux. Sachez que ces camions qui sont venus chercher le carburant sont venus de différentes provinces du pays. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Et le ministère en charge de la gestion du carburant n'a pas encore pris des mesures qui s'imposent, mais il indique que la question est en cours de traitement et que son ministère peut s'exprimer incessamment. Isanganiro. Le match de football entre les sélections burundaises et sénégalaises prévu le 4 juin de l'année en cours cause polémique entre les fédérations football de ces deux nations. Ce match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 qui se déroulera au Gabon. La Fédération de football du Burundi prévoit que ce match se déroulera au stade Isiziguro de Lumongue. Mais la Fédération sénégalaise de football, FSF, s'y oppose. Elle indique que ce stade ne remplit pas des conditions pour abriter ce match. Cette fédération demande que ce match soit programmé au stade Prince-Louis-Rwagasole. Au point avec Évariste Nzikouanyana. Une mission de prospection de la Fédération de football sénégalaise a été envoyée au Burundi et a trouvé que le stade de Djidjigiro ne répond pas aux normes de la FIFA pour abriter le match entre le Burundi et le Sénégal, comme on peut le lire sur Internet. Cette mission dit avoir constaté que la route Bujumbura-Rumonge est en état de dégradation très avancée et chaotique. La pelouse en gazon naturel dans un piteux état, infrastructures placées en pleine brousse, les infrastructures hôtelières de faible qualité et manque d'hôpital de niveau sur un rayon de 60 km. La Fédération burundaise de football du Burundi n'est pas d'accord avec ce constat. Le secrétaire exécutif de la dite fédération explique que l'émissaire de la CAF avait visité le stade Ivyizigiro de Rumonge et avait conclu que ce stade pouvait abriter ce match. Nous, on a programmé le match à Rumonge. Vous dites pourquoi? Parce qu'au Burundi, il y a deux stades qui sont homologués du moins. Parce que même le stade de Prince-Louis-Rwagasore a quelques difficultés. le stade de Prince Louis Gwagasore et le stade Ibis Giro de Rumonge, ce sont les deux stades du Burundi qui sont homologués par la CAF. Être homologués par la CAF, c'est-à-dire qu'ils peuvent abriter les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Alors, on a programmé ce match et comme les grandes équipes ont l'habitude de le faire, la Fédération sénégalaise de football a dépêché une mission d'inspection, de préparation de ce match et pour voir toute la logistique. Parce que maintenant, quand une équipe se déplace, c'est elle qui se prend en charge. Alors, la délégation sénégalaise n'a pas bien accueilli le fait que le match soit joué au stade de Rumonge. C'est pour cette raison qu'il a énuméré beaucoup de certaines griefs. Il a adressé une correspondance à la CAF. Et nous, nous avons réagi parce que la faute, ce n'est pas du Burundi. S'il y a certaines des imperfections qui peuvent avoir lieu, donc maintenant, la décision est attendue. C'est la Confédération africaine de football qui soit décidera de maintenir le match, soit de le délocaliser pour le stade de Prince Louis Gwagasore. Au sein de la même fédération de football, l'on indique attendre la décision finale de la CAF sur le stade qui va abréger le match Burundi-Sénégal. En fait, nous, on s'en tient au règlement. Quand on dit que la route est en mauvais état, si tu lis le règlement de la compétition, on ne parle jamais des routes. C'est pourquoi la CAF, en ce qui est de la route, la CAF ne dit rien à propos de ça. Par contre, la CAF a certaines inquiétudes sur les vestiaires, sur les buts, sur toutes les dimensions. Alors là, si l'inspecteur de la CAF n'a pas été prudent parce que ce n'est pas la fédération qui a homologué, c'est la CAF via l'inspecteur qui l'a envoyé. Peut-être que la CAF va encore une fois envoyer la mission. Ou bien, ils peuvent nous dire ce qu'on peut changer parce que d'ici au mois de juin, il y a un peu de temps, on va voir, attendons la décision de la CAF. L'association de football sénégalaise ne sollicite que la reprogrammation de cette rencontre à Bujumbura au stade de Prince Louis Gwagasore au regard de leur constat. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons maintenant environnement. L'extraction du moellon et du sable dans la rivière Kanyosha menace les maisons construites à ses alentours. La population du côté des quartiers Busuro-Kamesa lance un cri d'alarme pour que ces travaux cessent. Médar Niyonguru était sur le lieu. Son reportage. Nous sommes à la rivière Kanyosha, tout près des quartiers Kamesa Busoro et Moussama Kinanira, où les maisons de ces quartiers, localisées tout près de la rivière Kanyosha, sont menacées par des personnes qui extrayent du gravier et du moellon. La population de cette localité se plaignent car cette extraction se fait en violation de la loi. Nous habitons aux environs de la rivière Kanyosha et puis nous voulons lancer un cri d'alarme aux différentes institutions car nous sommes menacés par des gens qui extraient du moellon et de sable dans la rivière Kanyosha. D'ailleurs, ils le font en ne respectant pas les normes car ils utilisent des matériaux de construction comme marteaux qui font élargir les bords de la Kanyosha. Et nos maisons sont en danger comme vous le voyez. Ces habitants demandent que cette extraction soit interdite, d'autant plus qu'elle se fait pendant la nuit. Ce qui peut se faire dans de brefs délais est que ces gens qui font cette extraction abandonnent ça. Comme d'ailleurs l'avait précisé le ministre en charge de l'environnement, parce qu'il y a même des gens qui le font pendant la nuit. Les habitants de cette localité demandent au ministère de l'Environnement de prendre des mesures nécessaires pour éviter que leurs maisons soient détruites. Merci Médard Niyonguru. Ce problème de curage qui se fait anarchiquement dans cette rivière est connu par le ministre de l'Environnement. Le directeur général de l'eau et assainissement promet qu'il va encore une fois contacter l'administration locale et de la police pour faire respecter la mesure d'arrêt de curage telle qu'exigeait le directeur général de l'eau et assainissement Emmanuel Ndolimana, joint au téléphone par Clarine Mourunziza. Nous avons écrit une lettre au chef de poste de la commune Kanyosha pour demander de nous appuyer pour arrêter l'exploitation anarchique qui se fait dans la rivière Kanyosha par Tibosoro. Et des fois, on arrête et puis on recommence. Nous avons constaté que ce sont des mouvements qui se répètent. C'est pour cette raison que nous allons approcher l'administration locale et la police pour qu'on puisse faire respecter ce que nous avons demandé. Sinon, nous constatons que ça constitue une menace pour les infrastructures publiques ou privées qui se trouvent autour de cette rivière, dans cette partie de cette rivière. On ne peut pas trouver des gens qui vont rester autour des rivières partout dans le pays. C'est pour cette raison, quand il y a une loi pour la mettre en application on approche l'administration locale et la police de proximité dans cette zone. Nous avons demandé encore une fois à l'administrateur de la commune Moura et au chef de poste pour que cette partie puisse être respectée. Voilà, c'était Emmanuel Ndorimana, directeur général de l'eau et assainissement au ministère de l'Environnement. Veuillez nous excuser de cette mauvaise qualité sonore. Les habitants de Muzinda, en province Bubanza et ses environs, se lamentent qu'ils n'ont plus de terrain pour enterrer les morts depuis bientôt un mois. Le cimetière de Moutar en commune Mutimbuzi, qui était utilisé par tous les habitants des environs, est aujourd'hui privatisé de Bubanza, Spescaltas Kabanyana. Ce conflit entre les habitants de Muzinda en province Bubanza et ceux de Mutimbuzi en province de Bujumbura date d'environ un mois, comme l'indiquent les administratifs à la base. Le cimetière de Mutara en commune Mutimbuzi, et qui est situé tout près de Muzinda, en dessous de la route Bujumbura-Bubanza, accueillait tous les morts de Muzinda, de Manda pour une partie et de Mutimbuzi, et cela depuis longtemps. Et aujourd'hui, la commune Mutimbuzi aurait privatisé ce cimetière, ce que n'acceptent pas du tout les utilisateurs. L'administrateur de la commune Rugazi indique qu'il y a même eu une bagarre il y a quelques jours entre les habitants de Muzinda qui voulaient enterrer un mort et ceux de Mutimbuzi qui exigeaient d'abord de l'argent. Sylvie Nizigama, administrateur de la commune Rugazi, ajoute qu'elle n'a pas pu s'entendre avec son homologue, l'administrateur de Mutimbuzi, sur cette question qui se trouve aujourd'hui dans les mains des deux gouverneurs, celui de Bubanza et celui de Bujumbura. Tarsis Niyongabo, gouverneur de la province de Bubanza, indique qu'il s'est déjà entretenu avec son homologue, le gouverneur de Bujumbura, et qu'ils vont résoudre ce problème lorsqu'ils vont se rencontrer prochainement sur ce même terrain. Merci Spescaritas Kabanyana. Et pour clore ce journal, rendons-nous maintenant à Bururi. Certains parmi les commerçants exploitant les boisements en commune et province de Bururi grognent que l'administration communale et provinciale leur refuse le permis d'exploitation. Ils disent être victimes d'une mésentente entre l'administration et l'inspection provinciale des forêts. Le gouverneur de Bururi indique qu'il veille au respect de la loi en la matière. Reportage de Jean-Pierre Misago. Depuis le début de cette année, certains commerçants des produits forestiers disent avoir des difficultés au niveau de l'administration communale et provinciale de Bururi pour avoir un permis de coupe des arbres achetés. Ces commerçants indiquent qu'ils sont victimes d'un malentendu entre l'administrateur communal et le gouverneur de Bururi d'un côté et l'inspecteur provincial des forêts de l'autre. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. L'honorable Christian Kurunziza, gouverneur de Bururi, dit qu'il n'y a pas de conflit entre lui et l'inspecteur des forêts à l'origine de cette grogne des commerçants. Il indique qu'il est en train de signer des autorisations pour les commerçants qui se sont conformés à la loi, mais déplore l'inertie de l'inspecteur provincial des forêts dans le suivi de cette coupe. Ce que je demanderais à tous et à chacun, c'est de respecter rigoureusement les textes légaux et réglementés en matière environnementale, parce que vous voyez, avec le changement climatique, c'est dramatique. Et en plus, le problème, c'est que les autorités environnementales se soucient d'abord de la plantation des arbres au lieu de se soucier de la coupe. À ce sujet, l'inspecteur provincial des forêts à Bururi dit que la loi sur les étapes à suivre pour l'obtention de ces autorisations a été différemment interprétée, cela seulement en commune Bururi, et se réjouit que même ici, l'administration commence à se mettre sur la bonne voie. Il indique en outre qu'aucun rapport administratif faisant état d'une coupe illégale ne lui est parvenu pour être ensuite classé dans les tiroirs. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et c'est la fin de cette édition de la soirée pour ce vendredi. Merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa complicité technique. Restez à l'écoute des émissions de la radio Isanganiro. Bernard Vanhoukira.